كذلك il a propagé أصلحه الله le 26 septembre 2015 il a rencontré des prêtres فكتب et il a mis une photo en compagnie du père Claude et du père Fabrice lors du repas de l'Eid dans la ville de Brest le 26 septembre 2015 rencontre enrichissante pleine de tolérance et de respect des divergences. Ça, ça nous montre ce mouqif et ce repas et ce khayr, entre guillemets, qu'il a soi-disant rencontré, c'est le fruit de sa nouvelle da'wah. Au début, il l'a dit et il l'a appliqué. Rencontre enrichissante. Elle est enrichissante si tu les appelles à l'islam et ils se convertissent. Amma, t'as gagné quoi. Pleine de tolérance et de respect des divergences. Al-An, si on se pose la question, c'est quoi la divergence qu'on a avec... avec هذا, Père Claude, Père Fabrice et Nassara. C'est quoi la divergence qu'on a avec eux? قال عز وجل في كتابه العظيم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكفرون وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. C'est ça la divergence qu'on a avec eux. أنهم c'est des ملبسون. Ils لبسent الحق بالباطل. Et ils combattent الحق. Et ils propagent le باطل. قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. C'est ça la divergence qu'on a معهم. أنهم يدّيّس que الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة la Trinité. ويعبدون عيسى. فالآن son كلام respect des divergences. On va respecter هذا الكفر. قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. هذا normalement la croyance de Nassara, نحن la détestons du plus profond de nous-mêmes. لأنهم ils sont à la charge. لأنهم ils ont osé dire que Allah subhanahu wa ta'ala est un enfant. Les annoums, ils n'ont pas cru en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bel, toutes les moqueries qu'il y a sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est appuyé avec la tolérance, avec le respect, etc. On va être fiers de ce genre de rencontre pleine de tolérance et de respect. Wallahi, c'est une rencontre pleine de zalal et d'inhiraf. Et wallahi, nakhaf ala hada al-akh. Wallahi, nakhaf, s'il ne se remet pas en question. Vous avez remarqué que nous, dans l'intiqadat, dans les répliques, les reproches qu'on fasse, on ne va pas parler comme il prétend du vêtement en dessous des chevilles, de la barbe, mettre le pantalon. Et Inch'Allah, dans d'autres cours qui suivront celui-là, on traitera ce sujet. Mais nous, on te parle de choses qui sont plus graves. Des choses mutaalliqa bi al-iman, bil wala, bil bara, bil tawhid. Il veut faire croire il y a des personnes qui sont dures, ils me reprochent que j'ai mis un pantalon alors que tel shirk, il a dit. C'est un autre sujet, hada. Nahnu, on te reproche awwalan hada. Wallahi, si tu mets le qamis et tu ne touches pas à ta barbe, et en apparence, tu fais tout ce que la sunna le demande, et tu as ce mu'taqad plein de tolérance et de respect envers ha'oula al-kafara, wallahi, nakhsha alayk wa nakhaf alayk. Qala azza wa jal, waddu law takfurun, kama kafaru, fatakununa sawa. Anta, ton but, c'était rencontre enrichissante, pleine de tolérance. I'lam anna, le but des kafara, c'est que tu deviennes comme eux. C'est pour ça qu'ils se sont assis avec toi. Amma, un da'i tabit, mustaqim, aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui propage sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yubriduna, le déteste. Entendez, ce rapprochement d'un, hatta ba'd du'at al-dhalal, kama sami'na, mitla dhak al-za'ir, Tariq Ramadan, Tariq Ramadan, hatta où il a parlé, il a dit, Anna Rachid Abu Hudaifa, Anna Oussa, une personne intelligente, Madril Takabih Amil, a entendu ses doros, parle, c'est une personne intelligente, Anna Ou, il fait des efforts pour changer, Minhad al-Kala. Intabih, ce rapprochement. Délaisse pas tes frères, Ahl al-Sunnah, Ahl al-Haq. Alors que Had al-Akhad Zahir, c'est qu'il respectait Al-A'imma, qu'Al Imam ibn Baz, l'Imam al-Albani, al-Mutaqaddimin, etc. Enfin, ne délaisse pas Had al-Haq. Tout ça sous prétexte Anna. Tel frère il a fait. Ittaqillah fi nafsik. Rahimallah, l'imam Ahmed ibn Hanbal, kana idha nadara ila nasrani aghmada aynayhi. Al-an, on vous cite cet exemple de cet imam. Cet imam, min al-a'imma al-kibar, l'imam Ahmed. Quand il voyait un nasrani, il fermait les yeux. Ils l'ont demandé pourquoi. Faqala rahimahullah, la aqdir an anzura ila man iftara ala Allah wa kadaba alayhi. Il a dit, je ne peux pas regarder ce Nasrani. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti sur Allah et iftara, na'am. Ils ont inventé des mensonges. Isa, c'est le fils d'Allah, Allah, c'est le troisième, etc. Mawqif al-Imam Ahmed, il sait la valeur de l'ilm. Il a fait des efforts. Amma rencontre enrichissante, pleine de tolérance et de respect. Et si dans ton cœur, biyakin, annahum c'est des kafara, annallah subhanahu wa ta'ala, les déteste, le ina alladina kafaru min bani Israël. Fakif, tu peux dire ce mot. Wallahi, la wahed, il aurait fait du mal à ton père, ou à ta mère, ou à ta soeur, ou à un proche, ou à toi-même, t'aurais jamais dit hein. T'aurais pas pu dire, c'est une rencontre enrichissante, pleine de tolérance, là. Tu leur aurais demandé de faire tauba, tu leur aurais conseillé, falimad, tu t'assois avec haoula, fais tauba. Et nous, on ne te conseille pas de t'asseoir, les anna, t'as des shuba. Anta, tu dois faire tauba, t'ta'allam, et tu délaisses hada sha'n, les ahl al-ilm, wa ahl al-haq. Wa l'imam al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, al-maliki, من أئمة المالكية من أئمة العلم قال استدل مالك رحمة الله عليه من هذه الآية الإمام مالك بن أنس فأنت سوى ديزان tu suis maintenant مذهب الإمام مالك est-ce que tu le suis في الفقه فقط si tu le suis في الفقه فقط on te dit suis سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإمام مالك c'est un imam كبير tu t'aides avec ses أقوال et si الحق il est avec مذهب الإمام مالك tu le suis وإلا tu suis الحق et نحن on te pose la question est-ce que tu le suis في العقيدة فسي تو لو سوي تامل معي استدل مالك رحمه الله عليه من هذه الايه لا تجد قوما على معادات القدريه وترك مجالستهم لا تجد قوما يؤمنون بالله le verset qu'on a cité plusieurs fois l'imam Malik le prenait comme dalil de détester le qadariyya pourtant ils se disent musulmans نعم et il y a un tafsil في كفرهم que les ulama font في القدريه certains c'est des kuffar القدريه ceux qui renient l'ilm et d'autres c'est des musulmans dhalla قال على معاداة القدرية وترك مجالسته إمام مالك أنه avec ce verset il disait délaisser القدرية إلا détester في الله عز وجل que dire de père Claude et père Fabrice et النصارى قال الإمام القرطبي قال أشهب عن مالك pour ça c'est أقوال المالكية لا تجلس أو لا تجالس القدرية وعادهم في الله لقوله تعالى لا تجد قوما أي ne t'assois pas avec القدرية Par rapport à ce verset, قال الإمام القرطبي وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. الإمام القرطبي رحمة الله عليه démontre أن quand l'imam Malik il a dit ne t'assois pas avec أهل القدر, ça bien sûr tu comprends que même les autres catégories de أهل الشر وعلى رأسهم اليهود والنصارى والخوارج والجهمية والروافض etc. فأين موقفك الآن؟ C'est quoi ton موقف par rapport à هذا؟ والله المستعان. وقال الإمام مالك كذلك عن أخ أثر قال الدنو من أهل الباطل هلك se rapprocher de أهل الباطل هلك c'est une cause qui peut tu peux périr à cause de cette chose se rapprocher فاحذر والله أن ceux qui font des répliques sur toi ils veulent ton bien ils veulent ton bien لماذا لأن ne crois pas que on est jaloux لأن beaucoup de monde te suit ou t'es connu ou Abadan. Ça, c'est pas un mizan pour le haq. On a cité Hadith ibn Abbas. Un nabi, yom qiyama, personne ne le suit. Fattakillah. Kadalik, écoute les conseils de Ahl al-Ilm et les conseils de tes frères talabat al-Ilm. Si c'est faux, si c'est pas juste, personne ne dit qu'il faut suivre al-Batil. Si c'est haq, c'est haq. Mais tes suiveurs, ils t'ont élevé un rang qui n'est pas le tien. Farubbama, ils t'encouragent, etc. Et c'est pas fi maslahatik. Enfin, la tolérance, c'est suivre le haq. La tolérance, c'est aimer ses frères musulmans. La tolérance, c'est faire des efforts et patienter sur ses frères. S'ils se trompent, tu l'aides, tu lui montres. Amma se rapprocher de Adaullah, se rapprocher de Al-Kafara, Al-Mujrimin, et tout ça sous prétexte de comprendre les textes avec la contextualisation, etc. Fahada, ça ne fait pas partie de Manhaj al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Fahada, alladhi aradna. Et nous, on répète, celui qui accepte, alhamdoulilah, ذلك فضل الله عليه. Et celui qui n'accepte pas, nous, c'est min bab bara'at al-dhimma. Si on sait une chose, on est obligé de la montrer. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa s-sadat wa an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdoulilah.